Moi, de toute manière, là, je te le dis, les gens de la classe C, parce que ce sont toujours eux qui organisent les manifestations, on le sait, là, la majorité sont toutes appartiennent à tous des groupes crépuscules, genre d'extrême gauche que vous pouvez pas avoir au Québec, là. Fait que c'est pas bien compliqué, là. Pour moi, je trouve que c'est des dangereux. OK? C'est des groupes minimes qui représentent l'extrême gauche, qui sont prêts à tout pour essayer de faire passer leur message. Puis on vous en a fait la démonstration là, dans le show du midi. Là, est-ce que j'ai vraiment de vous ressortir tous les liens avec les porte-parole de la classe C, que ce soit des liens avec Québec solidaire ou encore que ce soit des liens avec des groupes... écoute, je l'ai dessus ici. Au moins te nommer une couple de noms. Je pense que j'avais gardé... toutes les feuilles la dernière le fois. Le Fat là, Show Watch. Mais écoute, avec des groupuscules qui appartiennent à des extrémistes gauchistes très dangereux, là. Tu sais? Fait que moi, depuis ce temps-là, là, regarde, oublie ça. Là. On le sait que toi et ton coloc de la classe C, sa sœur à ton coloc, travaille pour Amir Kadir. On le sait très bien qu'une avocate qui a défendu le projet de loi 78 et contre les injonctions et milite également pour Québec solidaire. On sait que Camille Robert, son association étudiante de l'Université du Québec à Montréal, ont donné de l'argent et ont subventionné des groupes, écoute, antifascistes et antiraciales qui s'appellent le RASH, le Red and Anarchist Skinhead, le Montreal Sisterhood, le SHARP, qui sont des groupes extrémistes gauchistes. Arrêtez, là. Arrêtez, s'il vous plaît, là. Je comprends même pas pourquoi on leur donne encore de l'importance à ces fouteux de marde, là. Ben, Luc m'écrit, c'est celle que j'ai probablement entendue à LCN, là, c'est la co-porte-parole de la classe, qui disait, effectivement, Fred Diderot, taxe santé. Elle dit, moi, c'est là que j'ai appris qu'ils manifestaient pour d'autres choses que les frais de scolarité. Qui rajoute des débats, mais il n'y a pas de vote, là. Ce sont tous des communistes extrémistes qui ont des agendas cachés avec certains groupuscules et partis politiques. C'est juste ça. Non, mais dans les grandes manifs, il y en a que c'est pas faire ça. Faire de la marde. Il y en a dans les manifestations mondes, c'est parce du monde c'est ceux c'est qui pour... l'organisent qui sont tous reliés. Tout ce que veulent les syndicats, c'est pas compliqué, c'est vos cotisations. Fait que plus vous allez cotiser, plus ils vont être contents, plus ils vont faire semblant de vouloir vous défendre, puis pendant ce temps-là, ils vont se remplir les coffres. C'est plate, là, mais c'est ça, des syndicats. Yeah. C'est malheureusement, c'était bien important dans le temps. Dans les années 70-80, les syndicats étaient pour défendre les travailleurs, mais maintenant, les syndicats sont uniquement là pour remplir leurs coffres avec des cotisations d'à peu près n'importe qui.